belles et bonnes ouailles de la radio. Bonjour, c'est Cargo Cult. Bonjour, bonjour. Voilà, ça y est, ça part, vite déjà, ça démarre. J'ai réalisé un peu par hasard que nous étions un week-end pascal. C'est Pâques. De ma façon maintenant traditionnelle, on parle un peu religion à Pâques. Bah, ça tombe pas mal, j'ai trouvé une religion qui est très bien. Et puis assez rigolote finalement. Qui va nous occuper 2 heures durant autour d'un personnage, d'une personnage, d'un disque, et de la Church of Euthanasia. Il est très facile de le traduire en français par l'Église de l'Athanasie. Et l'Église de l'Athanasie, bah, elle a été fondée par une musicienne assez hors pair, délicieusement provocatrice, mais derrière la provocation, on va voir qu'il y a une subtilité et des élans de composition assez remarquables. Et il s'agit de Chris Corda. Alors, bienvenue dans le disque du jour. Je me suis attelé à un disque, une période très particulière de Chris Corda, qui est probablement celle où elle est le plus détestée. Donc c'est tant mieux aujourd'hui, elle est en totale réhabilitation, c'est formidable. Chris Corda et son album The Man of the Future. C'est un disque qui paraît en 2003. Et sur le label très en vogue, tout à fait hype à l'époque, créé par DJ Hell, qui était son label International DJ Gigolo. C'était son deuxième pour le label. Il y en avait eu avant. Et puis Chris Corda a semé comme ça dans différents labels. C'était difficile de la retrouver dans ce parcours d'ailleurs. Mental Groove en Suisse et puis chez d'autres Allemands, chez Perlon aussi. Voilà, entre autres. Donc, comme je le signalais en guise de promotion sur un réseau social bien connu, The Man of the Future est un disque d'une beauté nihiliste Electro House, par la fondatrice de l'Église de l'Athanasie elle-même, donc Chris Corda. Voilà que Chris Corda, qui est une grande adepte des réseaux sociaux, attrape l'information et me répond directement « Merci d'apprécier cet album. Il est intéressant que vous le qualifiez de nihiliste. Je ne le vois pas de cette façon. Je suis une existentialiste et une antinataliste passionnée. Mais le nihilisme ne m'a jamais intéressé. » Et à elle de préciser, la mort viendra bien assez tôt. Mais en attendant, il y a tant de choses qui nous intéressent. Comme c'est bien dit. Eh bien, bienvenue, Chris Corda, dans cette émission. Il y a quelques propos du coup que je pourrais rapporter d'elle durant notre conversation. Et puis peut-être même des petits mots parsemés dans le chat auquel vous êtes tout à fait conviés de venir participer maintenant. Alors, Chris Corda, je définis cette personne comme une femme éminemment provocatrice et à divers degrés. Alors, je vais commencer par le scandale. Je vais commencer par ce qu'on a vu un petit peu le premier et tout de suite le mettre en musique. Il s'agit d'une chanson qui s'appelle « I like to watch ». Et « I like to watch », composée en 2001 dans l'immédiateté du drame du World Trade Center, c'est-à-dire l'effondrement des tours le 9 septembre 2001, a donné lieu au morceau que vous allez entendre, mais mieux encore, à un clip que je vais m'empresser de mettre en ligne, en tout cas sur le chat. Ne cherchez pas à le trouver via n'importe quel réseau social, ce sera peine perdue. Le clip a même été longtemps totalement absent de n'importe quel réseau, même un peu caché sur le site lui-même de l'Église de l'Euthanasie, mais j'y reviendrai un petit peu après. Mais par contre, a pu comme ça apparaître dans quelques festivals assez pointus, figurer dans la collection de la Cinémathèque française à Paris. Mais oui monsieur, mais oui madame. Mais évidemment, caché des bonnes ouailles et des... Et puis des oreilles et des personnes un petit peu pudiques. Parce que bon voilà, je vais vous avouer le truc de tout de go. Maintenant, et je vous mets le lien comme ça, je vois qu'il est là, voilà. Le clip est ultra porn. Et c'est pas de l'euphémisme. Hein. Tout y est, ça tartine, ça éjacule, il manque rien. Mais attention, c'est un porn adapté. C'est un porn ciblé. Sur le thème de l'effondrement des World Trade Center, sur cette vision hautement pornographique d'une information surrépétée qui montrait ces pénétrations hautement phalliques de deux tours comme ça, et qui allaient fendre les tours qui s'érigeaient comme, évidemment, je n'ai même pas à vous le dire, une superposition d'images empruntées à des films porno et puis aussi à des images de sport, ont composé un vidéoclip absolument remarquable qu'a signé Chris Corla. Ce clip a été un très court instant diffusé sur les réseaux sociaux, moins de 2 mois. Il a cartonné, qui mieux, en dépassant le million, en étant commenté dans le New York Times, mais évidemment, plutôt rarement publicité. Or, le clip de I Like to Watch, c'est ni plus ni moins que l'application à un très haut degré d'investissement artistique et d'intelligence que cette phrase qui fait forcément écho et qui précédait pour le peu l'intention de Chris Corda. C'était lors de l'effondrement des tours, il y a eu cette réflexion de Karlheinz Stockhausen, compositeur allemand bien connu, alors disparu maintenant, on le sait bien, disant que ce qui s'était passé là signait une œuvre d'art indépassable. Phrase hautement choquante, mais d'une intelligence inouïe. Quand même, Karlheinz Stockhausen n'était qu'un personnage un peu fou, habité, voire illuminé, et avec un génie qu'on ne va pas contester ici, cette phrase lui a sabordé sa carrière américaine. Au lendemain de cette déclaration, une tournée qui était prévue l'année suivante aux États-Unis, donc rappelez-vous, on est en septembre 2001, ce fameux 9-11, on a tendance à oublier l'année, mais on se rappelle du 9-11, le 9 septembre. Le 11 septembre. Une carrière, pas oubliée, mais pour le peu presque oblitérée aux États-Unis à cause de cette phrase soi-disant scandaleuse. Elle l'est, de fait. Mais alors, elle est porteuse d'une intention et d'une clairvoyance absolument remarquables. Parce qu'effectivement, le 9-11 a marqué finalement le début du 21e siècle. C'est là qui se fait. C'est là qui s'augure et c'est là qu'on va comprendre qu'il ne sera pas chouette. Chris Corda était là pour le dire, pour même pas détourner le message, mais se servir d'un événement comme celui-là, pour faire passer des paroles à qui mieux mieux, et notamment celles qui étaient déjà mises en exergue par la fameuse Church of Euthanasia. Scandaleux, idiot, ouais, parlons-en. Mais en attendant, I like to watch. Hein. Un, on l'écoute, et deux, ma foi, pour ceux qu'on lit en ligne, vous pouvez le regarder. Enfin. I put my hand in my pocket. What do I feel? 110 stories of concrete and steel I like to watch. That plane-shaped pole really gets me hot. But the big ball of fire is the money shot I like to watch. I like to watch the plane going in. I like to watch the flame shooting out. People dive into the street while I play with my meat. My steel melted and my tower is coming down. New York skyline will never be the same, but the guys who flew those planes and fucking amazing aim. I like to watch. I like to watch. There must have been a reason, but I don't understand why they hit the Pentagon instead of Disneyland. I like to watch. I like to watch. I like to watch. The plane going in. I like to watch the flame shooting out. It's raining broken glass while I sit on my ass. My steel melted and my tower is coming down. almost had enough of watching planes explode until they showed it in reverse, and I had to shoot my load. I like to launch. I like to launch. Now my hands all sticky, and I cannot find a rag. I guess I'll have to use the American flag. I like to launch. I like to launch. I like to launch. The plane going in. I like to launch. The flame shooting out. People dive into the street while I play with my meat. My steel melted and my tower is coming down. Like to play with my meat, think my tower is coming down. Je n'ai pas toujours besoin de traduire. Retour et conclusion sur ce clip, I like to watch, combien m'a levé. Hein. Donc après un concert de semences de foutre et d'éjaculation faciale sur ces tours en flammes et ces avions phalliques et pénétrants. Bon, le final, c'est l'éjaculation ultime du regardeur dans un mouchoir qui n'est rien d'autre que le drapeau américain. Ah, ça n'a pas plu à tous. C'est une immense œuvre d'art. Stockhausen avait raison. Chris Korda avait et a toujours raison. Alors, pardon de mettre un petit peu en avant cette story scandaleuse, mais elle est tout à fait indélébile et elle fait partie de toute l'œuvre de Chris Korda. Vous allez vite comprendre qu'elle est plus complexe comme ça, qu'un simple quolibet à la face de la société, sachant que tous les préceptes de l'église de l'euthanasie, puisque c'est bien ainsi qu'il faut la nommer, cette église de l'euthanasie que crée Chris Korda, elle l'est créée en 1991, c'est très tôt, elle est toujours là. Et elle regroupe quelques adeptes. Oh, c'est pas une secte, hein. C'est pas non plus une immense religion avec ses temples, mais c'est bien l'église de l'euthanasie, on la nomme ainsi. Toute la carrière ou presque de Chris Korda va servir finalement de pilier et de véhicule finalement pour faire passer des idées finalement aussi simples que provocantes, mais peut-être aussi difficiles à contredire sur l'état de la planète aujourd'hui. Le maître mot de cette fameuse église de l'euthanasie, on va le dire en anglais, save the planet, kill yourself. Tout cela partant d'un principe relativement évident. La planète va disparaître. Vous êtes un peu au courant quand même. C'est qui le principal prédateur de la planète? C'est l'homme. À partir du moment où la planète va disparaître, on va tous disparaître. Hein. L'homme, le petit chien de votre grand-mère, toutes les plantes et tout règne animal et végétaux confondus. Or, si vous débarrassez la planète de son principal prédateur, nous, pauvre humanité, toutes les chances que vous préservez le reste. Donc, vive l'euthanasie, c'est un acte de protection. Donc l'église de l'euthanasie fort finalement de ce précepte va comme toute église procéder à certains dogmes, faut pas en avoir peur, c'est ce qui caractérise une église, faut croire. Et ainsi cette prière, alors tout est traduit, mais croyez-moi, tout est vrai, elle s'appelle Tu ne procréeras point. Prenez note, s'il vous plaît, braves oreilles. Grand esprit, je suis indigne, mon espèce s'est déshonorée. De toutes les espèces qui vivent ou qui ont vécu, la mienne est la plus basse que les fleurs qui remplissent l'air de pollen sucré, plus bas que les arbres qui entourent la terre de leurs racines, plus bas que les insectes maîtres de la terre depuis le début des temps, plus bas que les poissons qui s'élancent, plus bas que les oiseaux qui s'envolent, plus bas que les créatures à quatre pattes qui sont le cœur battant de la terre vivante. Grand esprit, ma honte est aussi profonde que l'océan, et ma tristesse est insupportable. Je prie pour l'illumination, mais je crains que ma prière n'arrive trop tard. Grand esprit, s'il en est ainsi, alors je prie pour l'extinction. Que mon espèce s'éteigne et disparaisse de la terre. que mes reins soient stériles, que ma semence ne germe pas, que la race des hommes tombe comme des feuilles, que mes champs deviennent sauvages, que mes clôtures s'écroulent, que mes villes se transforment en poussières et en forêts, que l'herbe boive mon sang, que mon corps soit la nourriture des rêves, des vers. Grand esprit, laisse-moi mourir, afin que la terre vive. Vous aurez pris note, n'est-ce pas? Alors, il y en a beaucoup d'autres comme ça. L'église de Nancy est fort comme ça, de quatre piliers qui sont un petit peu assez essentiels. Donc, prenez note, ça c'est un peu la synthèse. Le suicide, l'avortement, la sodomie, le cannibalisme. Et alors, avec tout ça, bien sûr, une mise en avant, vive l'homosexualité. Alors, l'homosexualité, on avait, dans les années 90, on supposait que c'était difficile d'être parent en étant un couple homosexuel. On a vu que maintenant, c'est tout à fait possible. Alors, peut-être que c'est plus tout à fait ce qui est mis en avant parmi les piliers de l'église de l'euthanasie. Oui, parce qu'il faut ajouter à ça que la fondatrice de l'église de l'euthanasie, Chris Corda, et l'artiste qui nous intéresse aujourd'hui, elle est née Christopher. Et donc, au moment de la création de l'église de l'euthanasie, elle est en pleine transition. Donc, Chris Corda, elle est transsexuelle à un moment, et végane. C'est presque aussi indigne en 1990. Aujourd'hui, 2020, transsexuel, végane, presque ordinaire. Mais bien sûr, ça n'allait pas à ce moment-là. L'église de l'euthanasie, forte donc de ses préceptes, va même faire un passage absolument mythique, j'ai même envie de dire mythologique, là, parce qu'on touche au sublime, et finalement bien avant, hein, le clip scandaleux de I Like to Watch, qui lui date de 2001, c'est un passage dans le très fameux Jerry Springer Show. Jerry Springer, c'est la télé américaine dans son show, dans tout ce que ça a d'américain. On connaît que ça, c'est évidemment grossier et tout. Mais Chris Corda y est passé, et il a fait un acte ultra militant, elle-même encadrée d'ailleurs par quelques militants de l'église. C'est une performance, c'est absolument remarquable. On en trouve des morceaux sur YouTube. Alors Chris Corda m'a confirmé que de toute façon l'essentiel avait été coupé au montage, hein, donc ce qu'on voit n'est qu'en fait une toute petite poussière de quelque chose qui était encore moins présentable dans son état brut, quoi. Voilà, alors parmi les slogans, je le répétais, c'est celui qui se retient le mieux, « Save the planet, kill yourself ». J'aime bien celui-là aussi, « Eat a queer fetus for Jesus ». Je le répète, il sonne super bien en plus. « Eat a queer fetus for Jesus ». Ah là là. Je répète que Chris m'a dit qu'il ne fallait pas la considérer comme nihiliste. Alors un télo, certainement. Quitte à ce que ce soit un intellectualisme qui tente vers le nihilisme, il y a des références à Jacques et lui chez Chris Corda, sur les situationnistes. Alors je reviens sur Jacques et lui, parce que c'est un théologien, Jacques et lui. C'est un libertaire français, anard, mais un théologien. C'est-à-dire que c'est une figure qui va influencer les situationnistes. Et de fait, c'est une figure aussi... de théologie, dont peut s'emparer la cause catholique, si elle avait un pendant vers l'anarchie. Ah, est-ce qu'on va parler musique à un moment? Ce serait pas mal, hein. Ça vaut le coup qu'on y aille. Dans tout ce que je viens de dire là, on peut s'attendre a priori à un album punk, quoi. Punk intello, comme d'ailleurs ça s'est fait un petit peu à ce moment-là, et de manière assez jouissive. D'ailleurs que le disque de Chris Corda, The Man of the Future, l'homme du futur, est assez soft. Et travaillé avec une rare élégance et avec une maestria de la computer music, qui fait foi à ce moment-là, mais il y a chez Chris Corda une indépendance vis-à-vis de la technique et vis-à-vis de la programmation, qui est digne du respect qu'on accorde à des grandes figures comme Aphex Twin, Richard James Aphex Twin, ou encore Otaker. Pourquoi ? Un contrôle absolu de l'outil de production, mais aussi du codage. Il n'y a pas d'instrument. Elle avait laissé tomber il y a assez longtemps. Elle utilisait ça dans quelques disques très très dark ambiant du début des années 90, des effets un peu lourds. Chris Corda est quelqu'un qui est passé par des écoles de musique, qui a été formé, qui a joué de la guitare pendant 30 ans, qui a été formé au saxophone, qui est passé par des études de piano, et qui est hyper calé, de toute façon, en écriture musicale, qui a des notions d'harmonie qui n'existent pas chez les autres. Donc il y a une tête déjà de... Elle est compositrice. Mais va s'ajouter à ça la puissance du code, la notion de détournement, ça on l'aura compris. Et tout ça de façon partagée. C'est-à-dire que tout ce que fait Chris Corda en développement logiciel, c'est sous logiciel libre, c'est freeware. Donc ça mérite d'être signalé, c'est pas le cas partout. Et croyez-moi, ce sont des outils assez intéressants. On va détailler un petit peu le fonctionnement de certains, notamment un qui s'appelle le complexe polymètre. Et le polymètre, c'est un mot qui existe en français. Le polymètre, c'est une notion de poésie, c'est-à-dire une poésie à plusieurs pieds, avec un rythme justement alterné. C'est exactement ce qui va se passer dans l'essentiel des productions de Chris Corda, qu'elles soient d'ailleurs house, techno, mais elles peuvent aussi varier et aller aujourd'hui sur des musiques un petit peu, des musiques génératives, post-classiques, et étonnamment hors des champs dance floor qu'on pourrait imaginer. Le disque qu'on va écouter là, lui, il est dance floor. Mais alors c'est un dance floor subtil, c'est un dance floor intello. C'est pas évident de lever les bras en l'air en criant comme un dingue. Un petit peu sur I Like to Watch, mais pas forcément pour le reste. Et vous allez voir, il y a une subtilité justement dans cette polyrythmie, quand bien même on reste sur du 4-4. Mais c'est une alternance comme ça de patterns sur 3-5, 3-5, 7, qui vont comme ça créer un chaloupement tout à fait particulier. Et ça, c'est contrôlé par un séquenceur digital, tout ça est numérique, hein. Il n'y a pas d'outils hardware, il n'y a pas de choses, il n'y a pas d'effets extérieurs, tout passe par le computer et le coding. Et ce séquençage finalement MIDI qui pilote un ensemble de trucs. Je rapporte ce que me disait Chris et ce que j'ai pu en comprendre, parce que ça peut être assez compliqué. Je complexifierai à l'affaire d'ailleurs après, mais justement en suivant les préceptes enseignés par Chris sur cette question-là. Il est temps qu'on rentre dans ce disque-là, The Man of the Future. C'est un titre qui aura donné raison à son autrice, à Chris Corda. Parce que finalement, 20 ans après, elle est devenue connue. Elle est devenue, en tout cas, on a entendu son message. Parce que oui, mine de rien, l'hypothèse de la disparition de l'humanité, elle est passée de fantasme doudingue punk 2.0 à une hypothèse plus que crédible aujourd'hui. Donc pourquoi pas donner de la voix au doudingue qui, de manière intelligente, artistique, voire subtil, pouvait lui donner de la voix dès la fin des années 90 et à l'aube des années 2000. C'est exactement ce qui nous attend avec ce disque, donc The Man of the Future de 2003, qui était lâché à l'époque sur le label de DJ Hell. Bonne écoute et on se retrouve juste après ce disque, hein, qui va bien remplir son temps pendant 70 minutes. D'ici là, n'hésitez pas à réagir un petit peu sur le chat, revisionner une fois ou deux la vidéo que j'ai mis en ligne, au cas où les quelques parcelles du scénario vous auraient échappé. Bonne écoute, c'est Cargo Cult. Don't. proposition. I take that back. How much do you sell it for? I'll buy it. Yeah. It's cheese. It will always be cheese. This is cheese. I fell into the footlight. Something didn't smell right. It was cheese, had to be. This is cheese. This is cheese. Fromage. chopper, chopper, chopper, chopper, chopper, chopper, chopper, chopper, everywhere. Thank you. sing this song. Ooh, I feel nothing. Ooh, nothing all day long. While I sit on my ass. People dive into the street. While I play with my meat. I like to watch. Planes explode. I like to watch. The money shot. I like to watch. Planes explode. I like to watch. The money shot. My steel melted and my tower is coming down. I like to watch. We'll be right back. melted and my tower is coming down. Yeah. when it rains. The dirt don't go away. When it rains. Thank you. Thank you.

love recognized. Love recognized. There are many things in the world, and you are one of them. Many things keep happening, and you are one of them. And the happening that is you keeps falling like snow on the landscape of not you. Love recognized. Love recognized. Love recognized. Love recognized. You see not what you get. Desire. not what you get. What you see is not what you get. What you see is not what you get. What you see is not what you get. Desire. What you see is not what you get. Desire. In the street. Feel the beat. Feel the heat. In your seat. Exercise. Those who cannot adapt. technical necessity. Sensitive Data. C'est exactement le nom de ce morceau conclusif de l'album du jour. Super disque, fleuve. Hein. The Man of the Future, signé par Chris Corda. Merci d'avoir été si actif comme ça dans le chat. Et special thanks, and I gotta say that in English, to Chris Corda herself. Just been in the chat saying hello and hoping that we were appreciating the show. Tiens, j'espère bien qu'on appréciait ce show. Donc, voilà qui est bien. Je suis très heureux de récupérer maintenant cette fin de programme pour d'abord un peu clarifier les choses et puis du coup citer Chris Corda parce qu'on a pu parler un petit peu comme ça en chat auparavant. Bon, l'église, l'euthanasie, tout radical qu'elle soit, c'est avant tout quelque chose de... C'est du dadaïsme 2.0, si vous voulez. Il y a quand même une immense part d'ironie, de sarcasme et d'humour noir là-dedans. Et humour qui est finalement d'autant plus noir, qui s'enracine dans une vraie question globale, qui est celle de la survie ou de la disparition de l'humanité, et surtout la disparition de notre petite planète qui la porte. Donc, ça mérite d'être questionné des manières les plus provocantes ou ironiques qui soient. À Chris Corda d'ailleurs d'ajouter à son propos, là je la cite, « Cela découle de l'observation selon laquelle confondre les gens, au sens un confusing, est un moyen efficace de surmonter leur résistance. » Et à elle de nommer Salvador Dali qui disait « L'important c'est de répandre la confusion et pas de l'éliminer. « Confusion is sex », comme dirait l'autre. C'était le nom d'un album de Sonic Youth. Et, jouons-en de la confusion. Jouons-en de la confusion et qui quitte à cela à faire une petite psychanalyse de comptoir, mais qui a toujours le mérite d'être, et puis de porter comme ça une réflexion. Il y a chez Chris Corda un travail sur la voix qui est absolument remarquable, et qui tente à effacer les frontières de genre, si vous voulez. Une voix qui peut être celle d'un homme, soit qui peut être celle d'une femme, l'apport d'un vocodeur justifiant ça et justifiant de stratégies avouées ou pas. Selon Chris Corda, c'est plutôt un jeu sur l'harmonisation elle-même que le travail d'identification ou non-identification sur le genre ou sur le sexe. Mais en même temps, Chris Corda, c'est personnalité tellement incroyable que ça vaut le coup de s'intéresser sur ce sur d'où elle vient. Et ça, si normalement je réserve en préambule une forme biographique qui tente à nous dire que tel artiste vient de tel background, finalement c'est en deuxième partie de programme que je réserve la partie strictement biographique sur Chris Corda pour justifier qu'en fait elle est la descendante d'une généalogie d'artistes absolument incroyable et fascinant. Les aînés Corda sont une dynastie du cinéma extrêmement importante. Chris est la petite nièce de Alexander Corda. Et dans la famille Corda, il y a donc son grand-père, qui était donc le frère de son grand-oncle, ça va de soi, ainsi qu'un autre grand-oncle, qui sont aussi des grands du cinéma et de la même dynastie. En l'occurrence, le grand-père de Chris Corda, c'est Vincent Corda. Vincent Corda avait été le réalisateur de l'adaptation anglaise, je dis bien anglaise, du voleur de Bagdad, donc au début des années 40. À pas confondre avec son antécédent hollywoodien, mais qui était tout aussi classique. Or, ce film, lui, était produit, film anglais, attention, par l'arrière-grand-oncle, donc Alexander Corda, qui lui, donc toute la famille était issue d'origine hongroise, migration au début du siècle aux États-Unis, où la famille Corda, et c'est Alexander Corda en tête, vont s'imposer à Hollywood. S'imposer tellement bien que va se poser à un moment la question de migrer et finalement faire encore plus succès et entre guillemets fortune en Angleterre. Alexander Corda va même devenir Sir Alexander Corda, anobli par la reine d'Angleterre elle-même. Pardonnez du peu. Donc du coup, en observant cette généalogie comme ça des Corda, on va comprendre d'autant mieux que Chris Corda est une femme qui s'est identifiée au savoir-faire de la maison, j'oserais dire. Et je me permets de rappeler que si on écoutait là aujourd'hui Chris Corda dans sa musique, elle est essentiellement musicienne, mais programmeuse, c'est quelqu'un aussi qui, en jouant des codes, traite l'image, les vidéoclips dont je parlais tout à l'heure, etc. Donc il y a un total contrôle comme ça des moyens de production. Finalement, c'est des stratégies assez héritées de celles du cinéma. Petite anecdote qui peut en dire long. l'arrière-grande-tante d'Alexander Korda, donc de Chris Korda, ce qui veut dire la femme, la première femme en l'occurrence d'ailleurs, d'Alexander Korda, et qui elle-même était hongroise, a été une star d'Hollywood, une star du cinéma muet. Une femme d'une beauté incroyable, ses beautés diaphanes comme ça, alors évidemment, dans un cinéma noir et blanc, et qui plus est muet, et qui traversait l'écran. Patati patatra, quand le cinéma passe du muet au parlant, c'est l'effondrement de la carrière hollywoodienne de cette femme, parce qu'elle a un accent hongrois à couper au couteau. Et voilà, c'est une des victimes, une des fameuses ou mythiques victimes du cinéma parlant, quand il va forcément s'imposer à la fin des années 20 à Hollywood. Or, voilà, la première, il y a des photos, c'était plusieurs hein, sur le net de la femme d'Alexander Korda, et voir donc sa petite nièce Chris Korda aujourd'hui, il y a une étrange similarité. Est-ce qu'il y aurait une stratégie de mimétisme, voulue ou pas, dans la transformation actuelle de Christopher Korda en Chris Korda, maintenant avoué, éprouvé depuis des décennies? Toujours est-il que voilà, ces deux femmes sont magnifiques aujourd'hui. Elles empruntent à des stratégies glamour, l'une d'une époque, ce qui est celle des années 20 du cinéma muet, et puis l'autre, celle des années 20 aujourd'hui qu'on est en train de vivre, à 100 ans d'écart. Permettez-moi, un observateur totalement béotien, de faire forcément un rapprochement. Et y trouver un lien dans, effectivement, cette voix et ce traitement vocal typiquement signé. Il a le don, effectivement, d'harmoniser. Il a le don de donner un son, à une voix même justement parlée, quelque chose comme ça, qui va être harmonique. Et alors, en l'occurrence, Chris Korda nous le justifie par un titre ou un accord. Le tétracord, c'est une carte, quoi. Une carte simple. Carte juste, pardon. Voilà. Et pas forcément en intonation juste, mais une carte juste. Donc, quatre notes qui sont séparées des mêmes écarts. Et ça, c'est beaucoup utilisé, non pas dans le disque qu'on a entendu, qui, lui, volontairement jouait du pitch sur la voix afin de lui donner effectivement un genre non-genre, mais plus dans la musique qu'on va entendre en guise de sortie maintenant. Et puis elle est très intéressante parce que j'ai l'impression que c'est la suite du disque qu'on vient d'entendre et qui s'appelle Apologize for the Future, mais 20 ans après. Et là, pour le peu, c'est un projet très récent qui date de 2020. Ce Apologize to the Future, il dit exactement ce qu'il dit, c'est-à-dire qu'il s'agit de dire pardon, parce qu'on est pardon au futur, à qui on laisse des choses un peu dégueulasses. Donc ce disque, peut-être plus encore que celui qu'on a entendu, joue de la prosodie, d'une litanie et d'une longue et patiente récitation, un peu à l'image des sermons finalement qui campait de façon très sardonique, sarcastique, mais néanmoins pugnace, les dons de l'église de l'euthanasie. Et bien là, c'est cette prise de parole écologique et militante qui dit pardon au futur. C'est avec ça que je propose qu'on se quitte maintenant. Le disque est passionnant, il dure une longue durée d'album, au moins une quarantaine de minutes, on ne l'écoutera donc pas en entier pour partir. Mais il résonne en fait avec l'actualité de Chris Korda, qui est une staccanoviste de dingue. Puisque, outre ces stratégies de musique empruntées à la house, à la techno, et qui peuvent volontairement aller sur le dance floor, Chris Korda est une DJ formidable, hein, et qui fait le bonheur glamour de certaines nuits d'Ibiza ou d'ailleurs. C'est aussi quelqu'un qui va, et notamment dans ses stratégies de codage et de développement logiciel, j'ai cité le Complex Polymator, qui est un outil assez important dans son écriture, emprunter à des musiques tout aussi sérieuses, voire académiques, que peuvent l'être le sérialisme, le dodécaphonisme et des musiques génératives. On va pas s'approcher de là maintenant, peut-être une prochaine fois, ce sera avec bonheur, mais on va, joint à Chris, faire nous-mêmes aussi, ensemble, cette Apologize for the Future, dire pardon au futur. Remercier encore tous les auditeurs de Pinot d'avoir été là, d'avoir agi, et puis special thanks again and again to Chris Korda for being there. Et en profiter pour dire que très prochainement, ce sera le 19 avril à Bruxelles, Chris va être invité justement à faire la performance de textes la performance versifiée, si vous voulez, de ce Apologize for the Future. Donc il ne s'agit pas d'en faire la musique, il s'agit d'en faire le texte, et uniquement le texte, qui va être lu et dit dans son intégralité. Je vous en offre, et là pour le peu en musique, un large passage pour se dire au revoir. Merci de votre écoute, c'était Cargo Cult, à la semaine prochaine. No illusions, without hope, seeing the truth, through a telescope, footsteps on the moon, it's really out there, galaxies spin, ignoring our prayers, fields of gravity, crushing space, waves and particles, glued into place, by the strong and the weak, the cold and the hot, radiating light, to a tiny dot, in exploding chaos. There never was a plan, so you better get real, while you still can. It don't mean a thing, except maybe to us, a flash in the pan, before we're dust. We were born in water, without gods, over eons of time, against all odds. Slime shook a leg, took a deep breath, and evolved into predators, dealing death, crawling on the land, climbing up trees, spreading like a virus, crossing seas. We became captains of our fate. Is it extinction? Contemplate. Cells of cancer, killing their host. Better limit growth, or we'll soon be toast. Just a thin layer of oily rock is all we'll be if we sleepwalk. Just a thin layer, So wise up fast. It's not too late. Respect the future. Don't procreate. More mouths to feed is the last thing we need. How dare you breed? It's nothing but greed. No doubt your kids will thank you well for turning Earth into living hell. Your precious spawn will end up drowned. When they hear your name, they'll spit on the ground. So face the facts and take a lifetime vow of non-procreation. Do it right now, because the clock's running out and the world's in pain. And making more babies is fucking insane. More mouths to feed, idiots to and the world's in pain, a bit of a making more babies, is fucking insane. Respect the future, extinction. changing climate. Stranger. Our cities are in danger. Global warming's here to stay. Mass extinction's underway. You better kneel down and pray. Geoengineering saves the day. CO2 is trapping heat. Fossil fuels are obsolete. Waves are breaking in the street. From the coast we must retreat. Changing climate. Changing climate. Changing climate. Ocean dying, polar melting, jungle drying, forest burning, ocean dying, polar melting, jungle drying, forest burning, ocean dying, polar melting, jungle drying, forest burning, ocean dying, polar melting, jungle drying, forest burning, ocean dying, polar melting, jungle drying, forest burning, ocean dying, polar melting, jungle drying.